Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gemozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 15 février, nous souhaitons une bonne fête au Claude. Ça vient du latin signifiant boiteux. Claude est un homme ouvert, jovial, hospitalier, amical, en général enthousiaste, voire exubérant, ce qui ne manque pas de le rendre sympathique. Il est brillant et en impose par sa forte personnalité, son intelligence fine et vive, ses facultés d'élocution et sa rapidité de compréhension et d'action. Quelque peu opportuniste, Claude a l'art de charmer et de séduire et se révèle très adaptable. Brillant en société, il apprécie d'être le centre d'attraction et a souvent tendance à l'exagération, soit pour amuser, soit pour impressionner son auditoire, monopolisant ainsi l'attention sur sa chère personne. Sensible à la flatterie, il est quelque peu narcissique et aime donner l'exemple. Cela peut se traduire par un raffinement vestimentaire ou par une belle assurance due en partie à la confiance qu'il a en lui-même et à la chance qui intervient souvent en sa faveur. Dicton du jour à la Saint-Claude, regarde ton seau, tu ne le verras pas plus haut. Célébration internationale aujourd'hui au Canada, c'est le jour du drapeau. Aux États-Unis, c'est la journée de Susan B. Anthony qui commémore les actions de Susan Brownell Anthony, née un 15 février en 1820, suffragette et défenseur des droits civiques des femmes aux États-Unis. Et en Serbie, c'est la fête nationale. Et dans les événements qui se sont déroulés un 15 février, en 1957, c'était la première aux États-Unis de Cendrillon de Walt Disney. En France, il a fallu attendre le 1er décembre pour voir Cendrillon. En 1965, le drapeau officiel du Canada flottait pour la première fois au mât de la Tour de la Paix à Ottawa. Et enfin, en 1992, les 12 pays membres de la communauté européenne reconnaissaient l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie. Allez, première pause musicale. Et d'ailleurs, il va y avoir pas mal de musique ce matin. Et on écoute tout de suite un medley de Émile et Images. Laissez-nous chanter. on était reparti dans les années 80 avec Émile et Images et ce petit medley qu'on ne sait pas quelle chanson choisir de ce groupe qui a que des succès. Eh bien, on prend un medley comme ça, tout le monde est content. Nous sommes toujours sur RGM et on va faire un point sur les anniversaires à presque 8h37 avec ceux qui sont nés un 15 février. On va rester en musique avec la naissance en 1945 de John Helliwell, musicien britannique du groupe Supertramp, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Breakfast in America. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend. I never seem to get along. Take a jumbo across the water. Like to see America. There's not a lot I can do. Could we have kippers for breakfast? Mommy dear, mommy dear. We gotta have them in Texas, cause everyone's a millionaire. Voilà pour l'extrait de Supertramp. Allez, on continue. 1947, naissance de Marissa Berenson, actrice américaine, vue à la télé dans Commissaire Valence, Mafiosa le clan saison 1 dans le rôle de Caterina Paoli, ou encore Le sang de la vigne. 1949, naissance d'Émile Vandelmer, chanteur français du groupe Gold et maintenant de Émile et Images. 1951, naissance de Jane Seymour, actrice américaine, connue pour son rôle du docteur Michaela Quinn Sully dans Docteur Quinn, femme médecin. Vue dans la série Smallville dans le rôle de Geneviève Tigg ou encore les saisons 2 à 4 de Franklin and Bash dans le rôle de Colin Bash. 1953, naissance de Patrick Montel, journaliste sportif français. 1955, naissance de Christopher McDonald, acteur américain, vu dans Thelma et Louise dans le rôle de Daryl Dickinson, le mari de Thelma. Requiem for a Dream dans le rôle de Tappy T-Bones ou encore la série télé Stargate Universe. 1959, naissance d'Ali Campbell, chanteur, musicien et compositeur britannique du groupe UB40, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Red Red Wine. Voilà pour l'extrait du groupe UB40. On continue. 1960, naissance de Mickey Craig, bassiste anglais du groupe Culture Club, dont on écoute tout de suite un extrait du titre « Do you really want to hurt me ?» Give me time to realize my crime. Let me love and steal. Voilà pour l'extrait du groupe Culture Club. On continue. 1968, naissance d'Axel Red, chanteuse, auteur, compositeur, interprète belge. 1971, naissance de Renée O'Connor, actrice américaine, connue pour son rôle de Gabrielle dans la série télé Xena la guerrière. 1972, naissance de Jaromír Jágr, joueur de hockey sur glace tchèque, qui a évolué pendant de nombreuses années en NHL. De 91 à 2001, il a joué pour les Pingouins de Pittsburgh. De 2001 à 2004, pour les Capitals de Washington. De 2001 2004 à 2008 pour les Rangers de New York. De 2008 à 2011, il est parti jouer en KHL pour le club de Avangard Omsk. De 2011 à 2012, il a fait son retour en NHL pour les Flyers de Philadelphie. De 2012 à 2013, pour les Stars de Dallas. Ensuite, pour les Bruins de Boston. De 2013 à 2015, il a joué pour les Devils du New Jersey. De 2015 à 2017, pour les Panthers de Floride. De 2017 à 2018, pour les Calgary Flames. Ensuite, il est parti au club tchèque de Kladno. Il y joue d'ailleurs toujours. À noter qu'il a remporté deux fois la Coupe Stanley. C'était en 91 et 92 avec les Pingouins de Pittsburgh. Il a terminé cinq fois meilleur compteur du championnat et élu meilleur joueur de la NHL en 1999. Rien que ça. 1977, naissance de Rachida Brakni, comédienne française vue dans Chaos dans les rôles de Noémie et Malika, récompensée par le César du meilleur espoir féminin et vue également dans Neuilly sa mère dans le rôle de Jamila. 1981, naissance de la chanteuse américaine Olivia, connue pour avoir fait un titre avec 50 Cent. Ça s'intitulait Candy Shop. Petit souvenir, on écoute tout de suite un extrait. Yeah. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick a lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Yeah. One more taste of what I got. Uh-huh. I'll have you spending all you got. Come on. Keep going till you hit the spot. Whoa. You can have it your way. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam. Voilà pour l'extrait de 50 Cent et Olivia sur le titre Candy Shop. 1982, naissance d'Élodie Frégé, chanteuse actrice française découverte dans la Star Academy 3 qu'elle a d'ailleurs remportée, vue au cinéma dans Potiche, à la télé dans Nos Chers Voisins et le téléfilm La Main du Mal. Et on va tout de suite écouter un extrait de son titre La Ceinture. Sur la bouche, même si c'est louche, puisque ma langue a le goût de ta vertu, de ton honneur perdu. Non, pas sur les lèvres, même si j'en rêve, même si je tremble. Et bien que mon cœur soit nu, mon âme est revêtue de pudeur et d'impudence, sans te faire offense. Mieux ne vaut pas tenter sa chance, rien ne dure. Au-dessus de la ceinture. Non, pas sur la bouche, même sous la douche, même si c'est dur, je te mordrai, c'est promis. Voilà pour l'extrait d'Élodie Frégé. 1986, naissance d'Amber Riley, actrice et chanteuse américaine connue pour son rôle de Mercedes Jones dans la série télé Glee. Dans la série, elle reprend d'ailleurs le titre I Will Always Love You, dont on écoute tout de suite un petit extrait. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. Voilà pour la reprise du titre I Will Always Love You par Amber Riley dans la série télé Glee. En 1989, c'était la naissance de Bonnie Dennison, actrice américaine connue pour son rôle d'Emily Yocas dans la série télé New York 911 et son rôle de Suzanne Lemay dans la série Haine et Passion. En 1933, décédé Pat Sullivan, dessinateur australo-américain, créateur de Félix le Chat. En 1965, décédé Nat King Cole, musicien, chanteur américain, notamment connu pour le titre Love, dont on écoute tout de suite un petit extrait.

Axel Red et le titre Sensualité sur le 107FM, un peu plus de 8h51, on fait un point météo. La météo. Eh bien aujourd'hui, ce sera encore une très belle journée ensoleillée, des températures comprises entre moins 2 et 0 degrés ce matin, entre 12 et 13 degrés pour cet après-midi. Nous aurons droit à un très beau week-end, très ensoleillé, normalement pas un seul nuage à l'horizon. Des températures comprises samedi entre 1 et 2 degrés le matin, entre 13 et 14 degrés pour samedi après-midi. Et dimanche, nous démarrerons la journée entre 2 et 3 degrés pour aller entre 12 et 14 degrés prévus pour dimanche après-midi. Voilà pour la très belle météo pour ce week-end. On file tout de suite vers l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec le football et les résultats de l'Europa League où Rennes a fait match nul face au club du Bétis, 3 à but partout. Arsenal s'est incliné 1 but à 0 à Baté et Chelsea s'est imposé à Malmö 2 buts à 1 avec notamment un but inscrit par Olivier Giroud. En Ligue 1 ce soir, Nîmes reçoit Dijon et Lyon reçoit Guingamp. Samedi, Marseille recevra Amiens. Angers-Nice, Monaco-Nantes. Dimanche, Bordeaux recevra Toulouse. Caen, Strasbourg, Lille-Montpellier, Reims-Rennes et on terminera avec Saint-Etienne opposé au Paris Saint-Germain. En Ligue 2 ce soir, Nancy se déplace à Le Havre et Metz jouera lundi soir face à Béziers. En National 2, samedi, Épinal se déplacera pour affronter l'équipe 2 de Reims. En National 3, dimanche, déplacement également pour Thaon-les-Vosges à l'Aglo Troyenne. Un mot de biathlon maintenant avec le résultat du sprint féminin d'hier soir à Salt Lake City qui a vu la victoire de Marthe Olsbu-Roiseland devant Makaronen et Hildebrand. Côté française, c'est Mifig Miraisin. Soit c'était pas bon sur les skis et plutôt bon au tir, soit c'était l'inverse. Donc ce qui nous donne Célia Monnier 11e, Julia Simon 13e, Justine Brezas 17e, Caroline Colobo 30e, Anaïs Chevalier 33e et Anaïs Bescon 40e. Aujourd'hui ce sera le sprint messieurs à 19h15. Samedi nous aurons donc les poursuites à 18h05 pour les dames, 20h05 pour les hommes. Dimanche le single relais mixte à 18h10 et le relais mixte à 22h05. Un mot de tennis maintenant avec le tournoi de Rotterdam où Joe Wilfried Tsonga continue son parcours en s'imposant hier en 2-7 face à Griekspoor. 7-6, 6-1. Et Tsonga affrontera aujourd'hui Medvedev. Également, fils sera opposé à Dzumur. Hier a eu lieu le tirage au sort de la Coupe Davis. La France figure dans le groupe A aux côtés de la Serbie et du Japon. Autant dire un groupe costaud. Un mot de ski maintenant avec les championnats du monde et sur le géant Tessa Hurley a terminé à la 6e place. C'est Petra Vlhova qui a été sacrée championne du monde. On termine avec du basket, le résultat de cette nuit en NBA où l'équipe d'Orlando d'Evan Fournier affrontait l'équipe de Charlotte de Nicolas Batum et c'est Orlando qui s'est imposé 127-89, 12 points pour Fournier, 9 points et 7 rebonds pour Batum. À noter que Tony Parker ne joue toujours pas, hein, il est blessé au dos. Et du côté de chez nous en National 1, samedi, le Jet Vosges se déplacera à Aubenas. Voilà pour l'actualité sportive. Je pense n'avoir rien oublié. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec Pierre Bachelet et le titre, elle est d'ailleurs. Elle a de ses lumières au fond des yeux qui rendent aveugle ou amoureux. Elle a des gestes de parfum qui rendent bête ou rendent chien, mais si lointaine dans son cœur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Elle a de ses manières de ne rien dire qui parle au bout des souvenirs. Cette manière de traverser quand elle s'en va chez le boucher, quand elle arrive à ma hauteur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi. Je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages.